Bien-aimés, je vous dis bonjour dans le nom puissant de notre bien-aimé Christ Jésus que nous aimons de tout notre cœur parce que nous réalisons franchement ce qu'il a fait pour nous à la croix. Franchement, notre délivrance, notre sanctification, notre justice. Moi, franchement, c'est un sujet de joie. Quand je pense à ce qu'il a fait à la croix pour moi, j'ai la joie. Ok, frère, je vais parler ici des relations, que ce soit le célibat, que ce soit les mariés. Je vais lire ce que dit le Créateur, celui qui nous a créés, dans Genèse chapitre 2, au verset 18. Voici ce que dit l'Éternel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, qui ne se trompe jamais, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut comprendre que quand la Bible parle de l'homme ici, il s'agit de hommes grand H, c'est-à-dire hommes et femmes. Dieu dit c'est pas bon d'être seul. Frère, c'est pas bon. C'est pas bon d'être seul. Si tu peux te marier, frère, ne traîne pas les pieds, marie-toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est pas bon. Je me souviens, c'est un petit témoignage en passant. Quand j'habitais la ville d'Amiens, il y a un monsieur qui habitait seul et les voisins d'appart croyaient qu'il était en voyage parce qu'on ne le voyait plus. Ils croyaient qu'il était en voyage. Mais un jour, ils ont commencé à sentir des odeurs, des mauvaises odeurs sur le couloir. Quand ils avertissent les pompiers, quand les pompiers sont venus casser la porte, monsieur était déjà en état de décomposition. Ça y est, il pourrissait déjà. Voilà, on ne pouvait plus respirer. Parce qu'il était seul. Dieu dit, il y a plein d'exemples comme ça. Des personnes seules qui sont agressées, une femme seule qui est agressée. Dieu dit, il n'est pas bon d'être seul. Je vais lire dans Ecclésiaste, au chapitre 4, au verset 9. La Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Dieu dit, c'est bon d'être à deux, parce que si vous tombez, l'un va relever l'autre. Vous êtes à deux. Si ta paye, je prends des exemples dans la vie active, ta paye n'est pas passée, la paye de l'autre peut payer les factures de la maison. Si celui-là est malade, l'autre qui n'est pas malade peut amener l'autre à l'hôpital. Donc, il y a des avantages quand vous êtes à deux. Il y a plein d'avantages. Dieu dit, si l'un tombe, l'autre le relève. Celui-là est malade, on le relève. Ta femme est enceinte, le mari l'amène à l'hôpital. Il y a un problème, l'autre, voilà. Donc, il y a plein d'avantages quand vous êtes à deux. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frère, la solitude, c'est la galère. La solitude, c'est la galère. Tu peux prendre ton téléphone le soir, tu es enfermé dans les quatre murs, tu es seul dans ta maison. Tu prends le téléphone, tu essaies d'appeler des amis, des connaissances, et parfois on te dit, « Oh, je suis occupé, tu peux rappeler demain. » Parce que Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est pas bon d'être seul. Frère, c'est pas bon, mais Satan le veut. Parce qu'il a un intérêt là-dedans. Bien-aimé, la Bible dit, dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, au verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce de Dieu. » Trouver le bon partenaire est une grâce de Dieu. Une grâce. Trouver le bon partenaire, ça ne dépend pas, ce n'est pas une affaire de « parce que tu es intelligent que tu as trouvé la bonne personne. » Parce que le profil que tu recherches, un loup peut se déguiser en ce profil-là. Et demain, tu seras déçu. Parce qu'au départ, c'est comme je l'ai déjà dit, quand un homme et une femme se rencontrent pour la première fois les premiers jours, on est dans la séduction. Chacun cherche à gagner le cœur de l'autre, chacun cherche à séduire l'autre. Mais après le mariage ou bien après un temps, le masque tombe, tu verras la véritable nature de la personne. Parce qu'on essaie de cacher tout ça au début. Mais ce n'est qu'après le temps que le masque va tomber, tu sauras quand... Ah, il était comme ça. Ok, je continue. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, au verset 13, la Bible dit, « On peut hériter de ses pères une maison, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » La Bible dit, « On peut hériter de son père, de ses parents, de sa maman, des biens matériels, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Une femme intelligente. La Bible ne dit pas une femme belle. La Bible ne dit pas une femme belle, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Une femme intelligente. Bien-aimés, lorsque nous prions, parce qu'il n'est pas bon qu'on soit seul, comme Dieu nous dit, nous devons un jour nous engager. Je voudrais d'abord que vous sachiez que le diable combat le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Parce que vous avez des relations. Un homme et une femme qui font parfois déjà des enfants, ils sont ensemble dans le concubinage. Depuis des années, il y a déjà même des enfants. Vous avez d'autres, il n'y a pas d'enfants, mais c'est des concubinages qui durent 2 ans, 5 ans, 6 ans. Ma soeur, dis à cet homme, franchement, si tu es dans cette situation, ce n'est pas agréable à Dieu, dis à cet homme que le temps est arrivé, le temps de régulariser la situation aux yeux de Dieu. Ne reste pas dans cette situation. C'est le moment de se marier. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Parce que les hommes, l'homme va te dire quoi? Non, on prend le temps de se connaître. Hein, c'est un peu trop tôt. On prend le temps de se connaître. Ma soeur, si un homme te dit, oh, c'est un peu trop tôt, on va prendre le temps de mieux se connaître, tu dis-lui, ok, on va prendre le temps de se connaître, mais je ferme mes jambes. Je ferme mes jambes. Comme tu veux qu'on prenne le temps de se connaître, on va se connaître, mais je ferme mes jambes. Je ferme mes jambes le temps qu'on se connaît. Il faut faire comme ça, ma soeur. Parce que tant que tu lui donnes, il ne sera pas pressé. Il ne t'amène pas à la mairie. Il est pressé de quoi? Puisqu'il a ça. Il a ça à volonté. Pourquoi t'amener encore à la mairie? Et comme ça, tu vas rester dans le péché. Il te garde dans le péché. Tu es chrétienne. Il te lit dans le péché. Vous êtes ensemble depuis un certain nombre de mois ou d'années. Mais il ne peut pas se marier. Il n'est pas pressé. Parce qu'il a le truc. S'il te dit, bon, c'est un peu trop tôt, prenons le temps de se connaître, dis-le, ok, on va se prendre le temps de se connaître, mais je ferme mes jambes, je les ferme, puisqu'on prend le temps de se connaître. Parce que le diable est rusé. Le diable ne veut pas que les gens se marient. Le diable veut que les gens restent dans l'impudicité. Et vous avez des sœurs en Christ, elle est croyante, l'homme ne croit pas. Et l'homme n'est pas pressé de t'amener à la mairie. Parce que tu lui donnes le truc, ma soeur. On est des adultes. Ferme les jambes. Si tu veux qu'il t'amène à la mairie. Il va te dire, on prend le temps de se connaître. Jusqu'à quand on va se connaître? Jusqu'à combien de temps? Vous avez des concubinages qui durent depuis 3 mois, 4 mois, 1 an, 10 ans. Concubinage! On prend le temps de se connaître. C'est une ruse du diable. Et ça peut bloquer des bénédictions dans ta vie. Il faut sortir de là. Si tu te dis, bon, on va prendre le temps de se connaître, dis oui, on va se connaître. Mais mes jambes, je les ferme le temps qu'on va se connaître. Bien-aimé, je voudrais vous parler d'un jeune homme. Il était prophète de Dieu, enfant de Dieu comme toi et moi. Il était enfant de Dieu, mais il n'était pas marié. Et il avait l'appel de Dieu dans sa vie. On appelle ce bien-aimé le prophète Osée dans l'Ancien Testament. Osée était un jeune homme prophète, mais il n'était pas marié, célibataire. Mais il craignait l'Éternel, il priait Dieu, il faisait des jeûnes et des prières. Il pensait à son mariage. Il mettait sûrement le mariage dans ses prières, le prophète Osée. C'était un jeune. Écoutez ce que Dieu va nous dire. Parce que je suis sûr que toi, c'est sûr que tu jeûnes, tu pries pour connaître l'homme de ta vie, pour que le Seigneur amène vers toi la meilleure personne. Tu pries sûrement. D'accord? Mais Osée est passé par là. Mais Dieu va répondre à sa prière dans Osée chapitre 1 à partir du verset 2. Je vais lire la parole de Dieu. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Dans la ville où résidait Osée, il y avait de la prostitution. Il y avait des filles qui faisaient de la prostitution. Dieu a entendu sa prière. Dieu dit à Osée, va, va prendre une prostituée. Il y a les filles du coin là, celles qui sont au coin là-bas, au rond-point. Il y a des prostituées là-bas, va prendre une prostituée. Bien-aimé, voilà un jeune homme qui vit dans la sanctification. Il a l'appel de Dieu, il craint l'Éternel. Il s'attend sûrement peut-être à une fille vierge. Parce que lui, il vivait dans la sanctification. Il se dit, Dieu va me donner un bijou. Dieu va me donner un bijou puisque je suis consacré. Je ne vis pas dans la débauche, je ne fornique pas. C'est sûr que Dieu va me donner un bijou. Mais à sa grande surprise, Dieu lui dit, les prostituées qui sont là-bas, va prendre une femme là-bas. Vous vous rendez compte d'une prostituée, combien de personnes sont déjà passées dessus? Combien de personnes? Osée avait sûrement une famille. Que dira la famille d'Osée? Que dira son père et sa mère? Mon fils, tu es fou? Avec tout ce qu'il y a ici comme fille, une prostituée. Mais Osée va obéir à l'Éternel. Gloire à Dieu qu'il y a des fils et des filles comme Osée dans la maison de l'Éternel. Parce que si c'était toi, ma soeur ou mon frère, tu allais dire, que va dire ma famille? Mon père passe tout le temps là en voiture. Mon père connaît la prostituée, là, tout le monde la connaît. Dieu va me dire, tu vas commencer même à dire, ah non, ça c'est le diable qui me parle. Dieu ne peut pas me dire d'aller prendre une prostituée. Ça c'est Satan. Tu vas dire, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Mais c'est Dieu qui lui avait dit, va prendre la prostituée. Osée obéit. Osée n'a pas dit, que va dire ma famille? Tout le monde sait que la fille là fait la prostitution là-bas. Que diront mes amis, mes connaissances? Mais Osée a obéi à Dieu. Toi qui es déjà enfant de Dieu ou fille de Jésus, tu es là pour obéir à Dieu. Tu n'as plus à dire qu'est-ce que ma mère va penser. Tu n'es plus là à dire que si j'épouse ce gars, mes parents diront quoi. Non, tu appartiens à Dieu. La Bible déclare que Jésus nous a rachetés. Nous appartenons maintenant à Dieu. Nous ne sommes plus du monde. C'est Dieu maintenant qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas ton père et ta mère. Si Osée avait pensé à ses parents, il n'allait pas accepter. Mais Osée a dit, je suis le fils de l'Éternel. Dieu m'a pris comme son enfant. Je suis son enfant. Je veux obéir. Dieu compte pour moi avant mes parents. Dieu compte avant mes parents. C'est ce qu'Osée a dit. Il va alors où se trouvaient les prostituées, puisque Dieu m'a dit d'aller prendre une prostituée. La Bible dit. Alors, il est parti. Il alla et il prit parmi les prostituées une fille qui s'appelait Gomer. La fille qui s'appelait Gomer. Gomer, c'est une prostituée. Plein de gens ont déjà couché avec. Mais Osée est parti. Il prend Gomer, qui était l'une des prostituées. Alors, Gomer, Osée épouse Gomer. Il se marie. Alors, Gomer tombe enceinte et Dieu lui dit, l'enfant là, tu l'appelles Jisréel. Ensuite, deuxième grossesse, cette fois-ci c'est une fille, Dieu lui dit, tu l'appelles Lo-Ruchama. Lo-Ruchama. Ensuite, une troisième grossesse, Dieu lui dit, celui-là, c'est un garçon, tu l'appelles Lo-Ami. Vous pourrez lire le reste après. Vous voyez, mon frère, ma soeur, Dieu a dit à un jeune homme prophète qui vivait dans la sanctification, mais pourquoi d'aller prendre une prostituée? Je voudrais te faire savoir aujourd'hui. Je vais commencer par ma soeur en Christ. Toi qui es célibataire, qui veux se marier. Toi qui es venu à Jésus alors que les hommes ont joué avec ton corps quand tu étais dans le monde. Toi qui es venu en Christ, les hommes ont déjà joué avec ton corps. Parfois même des faux enfants de Dieu. Ils ont couché avec toi, ils t'ont promis le mariage. Ils ont couché avec toi, ils n'ont pas tenu parole. Je veux que tu saches que tu n'es pas sur terre par hasard. Toute femme qui est sur terre a été formée à partir de la côte d'un homme. Dieu connaît cet homme, toi tu ne le connais pas. Tout homme qui existe sur cette terre a une côte de moins qui a été enlevée de toi pour que Dieu forme une femme. Cette femme existe, elle est sur terre. Mais tu ne sais pas dans quel pays se trouve cette femme. Tu ne le sais pas. Mais Dieu qui connaît toutes choses, il maîtrise la situation. Ça veut dire quoi? Dieu ne fait pas ces choses. Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère, je te connaissais, Jérémie, et je t'avais déjà établi prophète. Je vous dis que la prostituée, comment on l'appelle? Attends, je vais reprendre. Voilà. La prostituée, Gomère, était la femme qui existait sur terre, qui a été formée par la côte d'Osée. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. C'est Dieu qui lui dit, va là-bas, prends la prostituée. Quand Osée part en obéissant à la volonté de Dieu, le choix est sur Gomère. Parce qu'Osée est guidé par Dieu. C'est Dieu qui lui a dit d'aller chercher. Je vais vous te dire par là que Osée ne le savait pas, lui qui était dans la sanctification au service de l'œuvre de Dieu, que la femme que Dieu avait formée à partir de sa côte, Satan utilisait cette femme dans la prostitution. Satan utilisait cette femme dans la prostitution. C'est Gomère a été formée à partir de la côte d'Osée et Satan l'utilisait dans la prostitution. Je vais te dire, frère, tu es en Christ. La femme de ta vie, peut-être aujourd'hui, Satan l'utilise dans la prostitution. La femme de ta vie, peut-être, elle est dans le monde. Elle est aujourd'hui à fond dans les boîtes de nuit. La femme de ta vie. Mais quand le Seigneur va te guider vers elle, ne dis pas, je fais quoi avec ça? Comme je suis chrétien, il me faut une fille de l'église. Non! Osée n'a pas dit ça. Gomère n'était pas une chrétienne. Gomère ne fréquentait pas les lieux de culte. C'était une prostituée. Osée n'a pas dit, ah non, c'est une prostituée. Ça ne peut pas être Dieu. Si Dieu doit me donner une femme, moi qui est prophète, ça va être une personne qui a la crainte de Dieu. Osée pouvait raisonner comme ça. Mais Osée a entendu la voix de l'Éternel. Le Saint-Esprit l'a guidé. Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, le Saint-Esprit te guide. Et le choix est allé sur Gomère. Gomère n'était pas la seule prostituée de la ville. Mais quand tu obéis à la voix de Dieu, le Saint-Esprit va te guider. Je vais dire par là, ma soeur, l'homme que Dieu avait pris la côte pour te former, peut-être alors aujourd'hui fume la cigarette, il n'est pas dans l'église. D'accord? C'est pourquoi la Bible nous disait tout à l'heure, trouver une femme, c'est une grâce de Dieu. C'est-à-dire pour que tu le trouves, il faut la grâce de Dieu. Pour que tu trouves cette personne. Parce que c'est cette personne qui saura comment rester avec toi. Parce que tu es une partie de lui. Jésus-Christ a dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. La femme que Jésus te donne, c'est un joug, mais un joug doux. C'est un fardeau, mais c'est un fardeau léger. Mais quand tu prends de toi-même la personne qui est devant toi, parce que tu es séduit par les formes ou par le rang social ou par la beauté physique, tu vas te retrouver avec un monstre à la maison qui te donne des coups de poing, ma soeur. Tu vas te retrouver avec un monstre qui te donne des coups de poing. Quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te brutalise comme il veut, quelqu'un qui te manque de respect. Ça, c'est pas Jésus, ça. Jésus ne peut pas te donner un monstre. Un monstre qui te tourmente, où tu n'as pas la paix et la joie. C'est pourquoi Jésus a dit, la personne que je te donne, c'est un joug, mais il est doux. La personne que je te donne, c'est un fardeau, mais il est léger. Quand tu entends, ah non, j'en ai marre, c'est insupportable, je préfère me séparer. Le joug de Jésus n'est pas insupportable, parce qu'il est doux. Le joug de Jésus, ce n'est pas un fardeau lourd, j'en ai marre, je ne peux plus supporter. Il est léger, il est supportable. C'est pourquoi, pour trouver le partenaire de ta vie, c'est une grâce de Dieu. Mais il faut aller vers le Seigneur à genoux comme faisait Osée. Et quand Dieu va te guider, ne dis plus que diront mes parents. Qu'est-ce que mes amis vont penser? Vous vous rendez compte, Osée était un jeune homme consacré à Dieu. Il avait reçu l'appel. Il priait pour la femme de sa vie. C'est une prostituée. Tout le monde connaît ces prostituées-là. Tout le monde les a déjà vues. Peut-être la maman d'Osée est déjà passée là plusieurs fois. Et connaît ces filles-là. Imaginez que Osée dise à ses parents, lorsqu'il a dit à ses parents, « Papa, maman, je veux me marier. » Avec qui? Gomère. Quoi? Avec tout ce qui est ici comme fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais Osée n'a pas dit, « Que vont penser mes parents ?» Il est allé prendre la prostituée. Mon frère, attention à tes jugements, attention à tes pensées. Fais très attention. Ce que tu devrais faire, c'est que lorsque tu pries, dis, « Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'envoies cette personne ? » Est-ce que c'est toi qui m'envoies cette personne ? C'est ce que tu dois chercher. Si la personne vient vers toi avec un esprit de séduction, Dieu va te montrer. Tu dis, « Seigneur, il faut que le masque tombe. Seigneur, c'est toi qui peux m'ouvrir les yeux. Va à l'Éternel ton Dieu. » Et Dieu va te montrer tout de suite les défauts. Dieu va mettre à nu les défauts. Le diable était sur terre avant la venue de Jésus. Satan séduisait le monde entier. Les gens croyaient qu'il était quelqu'un de bon. Les gens croyaient que le diable était bien, puisque avant l'arrivée de Jésus, les gens pactisaient avec lui. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il le livre publiquement en spectacle pour que les hommes sachent quelle est sa véritable nature. Voilà. C'est comme ça qu'on sait maintenant. Oh, il est mauvais. Parce que Jésus l'a mis à nu. Ça veut dire quoi? L'homme ou la femme qui est en face de toi, qui essaie de te séduire, qui elle fait le maquillage, elle se coiffe bien pour te plaire, prie Jésus. Et Jésus va le mettre à nu. Jésus va te montrer ses défauts. Parfois, Jésus ne va pas venir te dire, non, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas ta femme. Jésus va tout simplement mettre ses défauts. Il va mettre ses défauts dehors. Parce que quand une femme veut te séduire, ou bien un homme, il fait tout pour cacher ses défauts. Mais Dieu va faire en sorte que les défauts soient mis à nous et tu sauras que, ah, donc il est comme ça. Donc il est comme ça. C'est Dieu qui va le dépouiller comme Jésus a dépouillé le diable pour que les hommes sachent qui est Satan, le père du mensonge. Donc ne t'engage pas parce qu'il y a la séduction. Ne t'engage pas parce qu'il a une jolie voiture. Ne t'engage pas parce qu'il est cadre supérieur. Engage-toi si Dieu te met la conviction que c'est lui. Parce que beaucoup de filles, moi j'ai déjà parlé avec certaines femmes. Ah non, un homme comme ça, ma famille ne peut pas l'accepter. Mais Osée n'a pas dit ça. Osée n'a pas dit, mes parents n'accepteront pas une prostituée, Gomère. Tout le monde sait que Gomère fait la pute ici. Osée n'a pas dit ça. Osée a dit, c'est moi je suis là pour obéir à Dieu. Quand on est enfant de Dieu, c'est pour obéir à Dieu. Pas pour obéir aux parents. C'est Dieu d'abord, Dieu d'abord. Dieu d'abord, si tu veux plaire à Dieu, Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Dieu doit être le premier dans tes choix. C'est comme ça que beaucoup ont raté le choix de Dieu dans leur vie. Ah non, ça ne peut pas être un homme comme ça. Si Dieu m'attend, moi je suis chrétienne, je fais quoi avec un type comme ça? Ah non, une fille comme ça, non, elle n'est même plus vierge, je fais quoi avec ça? Non. La femme Gomère était la femme d'Osée. Osée était consacrée. Pendant que Satan manipulait Gomère dans le monde, dans la prostitution, mais c'était la femme de sa vie. Ma soeur, tu es aujourd'hui en Christ, tu pries. Peut-être l'homme de ta vie, il se saoule encore la gueule dans les bistrots. Il n'est même pas encore converti. Mais il faut prier pour que le Seigneur le touche, parce que Dieu va envoyer vers lui une personne qui va lui prêcher l'évangile, et Dieu va toucher son cœur pour qu'il vienne à l'église, pour qu'il vienne à Christ. Je dis bien pour qu'il vienne à Christ, parce qu'il peut ne pas être dans le local où tu pries, mais il peut être dans une autre église. Ce n'est pas vraiment dit que forcément, il sera dans le local où tu pries. Il peut être dans une autre église. Mais au moins, il viendra à Christ, et c'est Christ qui fera en sorte que vous vous rencontrez. Il va faire comment? Dieu seul le sait. Mais toi, tu frère, toi qui pries là, tu regardes les sœurs de l'église, alors que peut-être la femme de ta vie est encore dans les bois de nuit. Elle n'est même pas encore convertie. C'était le cas d'Osée. Osée était consacré, mais sa femme était encore dans la prostitution. Il y a des cas où tu es en Christ, mais elle, la personne n'est pas encore, ton partenaire n'est même pas encore converti. C'était le cas d'Osée. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu fasse le miracle. Parce que dans l'église aujourd'hui, nous avons deux mariages. Des gens qui prient comme Osée. Osée n'a pas fait le choix, parce que si Osée lui-même faisait le choix, il ne serait pas parti prendre une prostituée. Il y avait des jolies filles dans la ville qui ne faisaient pas de la prostitution. Mais si Osée est allé prendre une prostituée, c'est parce que Dieu lui a dit, Osée, c'est Gomer, ta femme, même si Satan l'a utilisé dans la prostitution. Osée n'a pas dit, que diront mes parents? Que diront mes amis? Tout le monde sait que je suis un jeune prophète. Si je dois me marier avec Gomer, tout le monde, toute la ville sait ce qu'on est Gomer. C'est la prostituée du rond-point là. Mais Osée a fait la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, combien parmi nous sont prêts vraiment à faire la volonté de Dieu? Combien? Combien? Surtout dans le domaine du mariage, il y a combien qui sont vraiment prêts ou prêts à faire la volonté? Parce qu'on dit, oh Père, je veux faire ta volonté. Oh Seigneur, on le dit dans les prières. Est-ce qu'on est capable de faire comme Osée? Ma soeur, toi là, tu peux vraiment faire comme Osée? Mon frère, hein? C'est ça. Parce que je voudrais juste vous dire, Dieu ne va pas dire à tout le monde d'aller prendre une prostituée ou un drogué. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je voudrais que vous sachiez que Dieu peut te surprendre. Il peut amener vers toi une personne qui n'était même pas dans ta tête. Un profil que tu n'imaginais même pas. Osée pouvait tout imaginer sauf une prostituée comme femme. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. On ne sait pas ce qu'il va faire. Tu pries, c'est la raison pour laquelle... Celui qui vient devant toi, il ne faut pas le repousser parce qu'il ne rentre pas dans tes critères de choix. Parce qu'il n'est pas dans ce que toi, dans ta tête, tu cherches. D'accord? Il faut plutôt prier pour que Dieu te dise si c'est lui ou pas. Seigneur, je le trouve gentil. Oh Seigneur, je te prie. Fais en sorte que le masque tombe. Fais en sorte que ces mauvais défauts soient dehors. Mais Dieu, si tu es fidèle à Dieu, Dieu va t'exaucer et Dieu va mettre la personne à nu. Et tu verras parfois des réactions. Des réactions qu'il aura. D'accord? La première réaction, il cherche à coucher avec toi. Avant le mariage. Il dit qu'il est enfant de Dieu, non? Il te dit, toi tu es une sœur en Christ, il te dit qu'il est enfant de Dieu. Mais s'il est enfant de Dieu, pourquoi il veut coucher? S'il est enfant de Dieu, il doit marcher dans les normes. Mariage. Pourquoi il veut coucher aujourd'hui? Donc il faut regarder ces choses-là. Il faut regarder ces choses-là. Frère, pareil. Donc, soyez vigilants dans ces choses-là. Je crois que je vais lire à la fin. 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 28. Voici ce que le bien-aimé Paul dit. 1 Corinthiens 7, 28. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Il n'est pas dit parce que Osée a épousé Gomer qu'ils n'auront pas de tribulations dans la chair. Il y en aura. Mais si nous avons la parole de Dieu, si la parole de Dieu est la base de la relation, si on se conforme à ce que dit la parole de Dieu, Dieu lui-même va éteindre le feu à la maison. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Frère, si pour parler à ta femme ou à la sœur en Christ qui est ton épouse ou ton fiancé, tu utilises les méthodes du monde, les menaces, l'arrogance, l'orgueil, la violence, ça ne peut pas aller. Dieu ne peut pas répondre à tes prières. Ma sœur, pareil. Si c'est la violence, les injures à la maison, ça ne va pas. Mais si tu essaies de gérer la situation, comme la Bible le dit, Dieu qui veille sur sa parole va éteindre le feu. La Bible dit, vous aurez des tribulations, c'est-à-dire des frottements dans toute relation, des frottements. D'accord? Mais Dieu va éteindre le feu parce que l'homme et la femme essayent de marcher comme Dieu le dit dans sa parole. D'accord? Et ce qu'il faut faire, Dieu dit, s'il y a des tribulations, s'il y a des disputes, ne va pas dormir sans d'abord faire la paix. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. C'est-à-dire, il y a eu dispute et puis tu vas dormir, on va régler ça demain. Non, règle ça tout de suite. Règle ça, ne donne pas le temps au diable, n'est-ce pas, de détruire la relation, de faire pire que ce que tu vois. Ne lui donne pas le temps de construire, le temps d'agir et de détruire votre relation. Il faut tout de suite faire la paix Ne va pas dormir avec ça. Faites la paix tout de suite. Je voudrais terminer en te disant, bien-aimé, qu'un couple ne peut être heureux que si seulement si chacun fait un effort de plaire à Dieu. Je termine par ça. Si la femme dans son couple fait tout pour plaire à Dieu et que l'homme dans son couple fait tout pour plaire à Dieu, Satan est jaloux. Il ne peut pas toucher ce couple. Il ne peut pas. Parce que ce couple est entouré par la protection de Dieu. Mais si l'un des éléments cherche à plaire à Dieu et que l'autre ouvre les portes au diable, il y aura la tempête. C'est la raison pour laquelle l'idéal pour Dieu est que les deux personnes aient la crainte de Dieu et que les deux personnes soient en Jésus-Christ. Gomer, qui épouse le jeune prophète Osée, en tant qu'homme de Dieu, la Bible ne dit pas que Gomer a continué à faire la prostitution. Non, il s'est sûrement converti, étant l'épouse de l'homme de Dieu. Son statut avait changé. Ce n'était plus la prostituée qui couchait pour avoir un petit billet pour aller manger. Ce n'était plus ça. Elle était maintenant l'épouse d'un homme de Dieu. Donc Dieu a changé la situation. Seigneur, je te rends grâce pour cette exhortation et je crois que tes enfants ont reçu cette parole. Bien-aimés, bonne soirée, que Dieu vous bénisse.